partir de maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Magic System. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Magic System, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti même en direct en ce 14 juillet avec le Magic System au rapport au garde à vous. Comment ça va messieurs? Ça va. Vous avez bien défilé aujourd'hui. Certains d'entre vous ont sauté en parachute. Bon, tout se passe bien. Quatrième membre du Magic System qui arrive pile poil au début de l'émission. C'est ça. Akubayo. Et c'est parti. Coup d'envoi donc de ce nouveau Planet Rap avec Radio Africa qui est dans les bacs depuis une petite quinzaine de jours maintenant. Ouais, un peu plus même d'ailleurs. Un peu plus. Depuis le 29 juin. Donc ouais, c'est une quinzaine de jours. C'est 15 jours pile poil. Pile poil, nouvel album alors qu'il y a des reprises. Plus que des reprises d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment tout un travail qui a été fait autour de ces morceaux. Oui. Une dizaine de morceaux sur cet album qui sont des grands standards africains. Exact, comme je le disais hier, c'est plus que des reprises parce qu'il fallait ressortir toutes ces mémoires musicales là du tiroir et les réadapter soigneusement, faire évoluer la musique, apporter de la fraîcheur. Et voilà, le résultat il est excellent. Pour ceux qui ont déjà l'album pourront le confirmer, ceux qui ne l'ont pas, c'est le moment de l'avoir parce que comme je le dis, c'est la bibliothèque de la musique africaine. Et bah dites-nous aussi avec le hashtag Magic System sur Skyrock vos morceaux préférés si vous avez déjà récupéré l'album Radio Africa. Vous, vos souvenirs enfants, c'était quoi les morceaux cultes africains qui tournaient beaucoup? Ben déjà pour ne pas mentir, c'est d'abord Obligadier Savary. Ah, Alpha Blondy. Et après il y a eu Yekeke de Mori Kante. Ah ouais, c'est vrai, il y a ce morceau aussi. Yekeke. Et il y a eu Pata Pata de Miriam Makeba. Qui est présent d'ailleurs avec une nouvelle version des Magic System. Il y a Salif Keita, Nous Pas Bouger. Mmh. Ouais, et puis Anjaï aussi. Pareil pour tout le monde ou il y a d'autres morceaux, d'autres artistes en particulier? Moi c'était Alpha Blondy, hein. Voilà, c'est Alpha Blondy, Brigadier Sabari, c'est ça que j'écoutais à l'époque. On a pu choisir Panta Diallo. Ouais, c'est vrai que vous n'avez pas repris le Brigadier Sabari. Non. Le bon, après c'est quoi? C'est parce que Sweet Fanta Diallo c'était peut-être le plus gros carton d'Alpha Blondy. C'est vrai que l'idée c'est une reprise, mais l'idée aussi c'est de faire découvrir à d'autres personnes, parce que Brigadier Sabari avait été plus été écouté, avait été plus connu que Fanta Diallo. Ah ouais? T'as l'impression? Ah oui. J'ai l'impression que c'était l'inverse en fait, mais peut-être. Ouais. Non, Brigadier Sabari, c'est le titre qui a lancé Alpha Blondy. Alpha Blondy, c'est, ouais. C'est comme premier gaou du Magic System, quoi. Voilà. Ah, c'est, en même temps, c'est comme un concert Magic System, premier gaou, vous êtes obligé de le faire. Hein. Voilà, c'est obligé. Voilà. Si vous le faites, vous avez déjà essayé de tenter de ne pas le jouer en concert ou pas premier? Non, c'est pas possible. Jamais. C'est impossible celui-ci. C'est impossible. À la limite, vous auriez même pu reprendre Premier Gaou, en fait, sur cet album Radio Africa. Oui. Sur une version différente de Premier Gaou. C'est une volonté, parce que Premier Gaou, après, je crois, on a un livre qui va sortir pour les 20 ans de carrière, où on va expliquer l'histoire de Premier Gaou, et les gens comprendront pourquoi on ne reprend jamais Premier Gaou. Parce que pour nous, Premier Gaou a été enregistré dans des conditions exceptionnel. Donc reprendre Premier Gaou, ça serait un peu perdre cette mémoire. Voilà, donc c'était quoi l'enregistrement? C'était catastrophique. C'était catastrophique et on s'est dit même si on reprend Premier Gaou, on peut plus avoir cette authenticité, on peut plus avoir tout ce qui accompagne. Il y a des paramètres qui font que Premier Gaou ne peut pas être repris par Magic System. C'est-à-dire que quand vous avez enregistré Premier Gaou, jamais aucun moment vous a dit ça sera un gros carton. C'était pas possible. Non, mais c'était une maquette. Premier Gaou, l'histoire de Premier Gaou, c'était une maquette. Et l'arrangeur nous disait que bon, quand on aura le temps, on va bien arranger la chanson. Et jamais, il n'y a jamais eu le temps. J'ai jamais eu le temps. Et c'est la maquette qui est sortie qui a fait le tour du monde. C'est voilà. Fou quand même. C'est fou. Bon, et tout ça, il y aura plein d'histoires dans un bouquin qui arrive. Ah oui, il y a un bouquin qui arrive pour les 20 ans de carrière. C'est quand? C'est en 2017. 2017. C'est quoi, dans 2 ans? Mmh. Mais voilà, on prépare tout doucement ces 20 ans avec concerts, plein d'histoires. Des concerts, une bande dessinée, un livre et tout ça. Voilà. Bon, et ben on suivra 2017 avec attention pour le Magic System. Là, en attendant, il y a Radio Africa. Il y aura aussi un autre projet qui arrivera, vous l'avez dit hier, Enjaillement Fever qui arrivera d'ici la sortie de 2017 avec certainement plein de choses. Oui. Et là, on débute avec un morceau. On attaque avec lequel, messieurs? Bon, on va attaquer avec Enjaillé. Allez, voilà. C'est parti. Enjaillé, Magic System Radio Africa, coup d'envoi. On est tous Enjaillé, on est tous Enjaillé. On va bien s'enjaillé, là, on va bien s'enjaillé. Radio Africa est dans les bacs avec Magic System, le morceau qui s'appelle Enjaillé. Alors, on va rappeler évidemment ce morceau qui est une reprise de Salif Keita. Salif Keita. Oui. Un morceau. Mandan. Voilà. Mandan de Salif Keita. C'est celui-ci qui était sorti il y a quelques années de cela maintenant. Oui. Et qui fait partie de ces reprises du Magic System à découvrir entre 20h et 21h, le Magic System. Avec plein d'histoires, avec 20 ans qui approchent pour le Magic System. Ouais. Vous voyez comment les prochaines. Les 20 prochaines années, toujours sur les routes. Ben toujours sur les routes. Hein. Moi, je crois que notre carrière est plus proche du berceau que de la tombe. Donc ouais, il faut continuer. Voilà. J'ai envie de dire même. Voilà, il faut continuer. On va continuer. On va essayer de d'améliorer ce qu'on fait. On va essayer d'apporter un plus pour pouvoir durer, quoi. Voilà. Dans la durée, pour que dans vous s'inscrivez dans la durée. Il faut s'inscrire dans la durée. Mmh. Voilà. Et puis il y aura donc plein de surprises au moment des 20 ans avec donc un bouquin, bande dessinée, certainement un nouvel album aussi. Un nouvel album, ouais. 2017, c'est l'année Magic System, quoi. Comme chaque année, en fait. Voilà. C'est un peu ça, en fait, comme chaque année. Chaque année, Magic System. Ouais. En tout cas, ça sera une année exceptionnelle parce que 20 ans de carrière, ça se vit, ça se raconte. Et même dans la vie, quand on a 20 ans, je crois qu'on doit avoir le bac en poche, quoi. C'est ça. Donc, nous, on essaie de, au bout de ces 20 ans, quel enseignement on peut tirer, quel bilan on peut faire à mi-parcours, et puis quel enseignement aussi on peut donner à toute cette nouvelle génération qui nous suit. Donc, c'est un livre qui va raconter non seulement notre vie, qui va raconter des anecdotes du groupe, qui va parler des tournées, les dates qui nous ont marquées, les événements qui nous ont émus ou qui nous ont marqués aussi, parler de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, de la France, parce que ça fait 15 ans aussi que nous sommes en France. Donc, on est passé d'une vie à une autre, d'une culture à une autre, et tout ça, ça doit se raconter dans un livre pour montrer que le brassage culturel, il est important pour ce monde. Donc on suivra ça, le bouquin de Magic System pour les 20 ans, et puis d'ici là encore, il y a Radio Africa, il y aura une tournée avec Magic System. Ouais, il y a déjà une tournée. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des moments où vous arrivez à être en pause? Ouais, il y a des jours où on... Ben, on est à la maison, on profite un peu des enfants. Ben, c'est pas beaucoup. Ouais. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est une semaine sinon les week-ends. Deux jours par an, quoi. Deux, trois jours par an. Du lundi au mercredi, ça va. Et les gens, je suppose qu'il y a aussi un truc qui est très fort, Magic System, on le voit quand on vous voit en concert, mais les gens, quand ils vous croisent dans la rue et tout, parce que il y a un lien en fait avec vous aussi, non? Vous le ressentez, je pense. Ouais, on le sent beaucoup, surtout au bled, surtout. Il y a des amis, bon, pas des amis, mais quand il y a des jeunes, dès qu'ils croisent un d'entre nous, le mot qui sonne de sa bouche, merci de m'avoir donné espoir et courage. Il y a beaucoup de groupes en ce moment, des jeunes groupes un petit peu comme vous, dont l'histoire peut être proche de vous en Côte d'Ivoire. Vous pensez à des groupes en particulier ou pas? Oui, il y a des groupes. Aujourd'hui, c'est vrai que la mouvance en Côte d'Ivoire, c'est le coupé décalé, même si nous venons du mouvement Zouglou. On a des jeunes talentueux qui sont en train de faire aussi leur petit bonhomme du chemin. Et je crois que le projet Ajaïmé Fever est fait pour mettre à la lumière. Ah, il y aura des nouveaux groupes dessus. Voilà, il y aura des nouveaux groupes. C'est des jeunes qu'on va essayer de mettre parce qu'on a des talentueux dans le coupé décalé, dans le Zouglou. On a des groupes comme Espoir 2000, on a des groupes comme Yodé Siro, Soumbil. Dans le coupé décalé, on a Serge Beno, DJ Arafat, Baby Philippe, qui sont là, il y a beaucoup de personnes qui les connaissent, mais ils ne sont pas encore à la lumière comme il le faut. Donc il faut mettre en place un projet qui pourra exposer tous ces talentueux-là et montrer que la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de talents à part Magic System. Ça va être ça, ouais, un petit peu la filiation pour le groupe et puis voilà, pour l'histoire du groupe aussi, c'est maintenant de mettre en avant d'autres projets, d'autres artistes. Exact. Nous, on a eu la chance d'être là aujourd'hui. On s'est dit il fallait mettre du temps pour s'imposer. On a mis du temps. Aujourd'hui, Magic System est connu en France. On va profiter de cette notoriété pour créer un canal pour permettre aux artistes, pas seulement les artistes ivoiriens, mais même les artistes africains, de pouvoir se servir de ce canal pour se faire connaître. On a déjà mis le festival en place pour le faire. Là, maintenant, on va essayer de mettre des projets plus musicaux en place aussi pour pouvoir les pousser. Voilà. Et bah, très bien, on suivra ça. On va écouter un autre morceau de Magic System. Quel morceau on met, messieurs, de Radio Africa? Moi j'ai envie, voilà, Emma c'est l'une des plus belles chansons de l'album. Qui nous dit un mot sur la reprise, sur ce morceau? Ben, Emma c'est une chanson qui a été chantée dans le passé par les frères Touré Kounda, qu'on a aimé la chanson depuis l'enfance. Et puis ben, on s'est dit pourquoi pas la mettre sur Radio Africa. Mais il faut rappeler que c'était une chanson de revendication. Ouais. C'était une chanson un peu plus guerrière qui revendiquait l'indépendance de la Casamance au Sénégal. Au Sénégal, ouais. Voilà, et nous on a voulu apporter quelque chose de plus affectif. Donc on a plutôt chanté une Emma qu'on aime, une Emma qu'on adore, qu'une Emma révolutionnaire et tout ça. Voilà, il faut écouter, et c'est bah, beau. C'est Magic System. Magic. Allez, c'est parti, Emma, maintenant. Oh, Emma, tu sais ce que tu sais. Pourquoi tu sais ça? Faut balancer ça, là c'est trop. Pour passer. T'as balancé ça, là c'est trop. Wow, wow, wow. Pour passer. Emma, pourquoi tu fais ça? Emma, pourquoi tu fais ça? Faut balancer. Radio Africa, c'est le projet de Magic System et ce morceau qui s'appelle Emma à l'instant, c'est ce qu'on écoutait. Vos messages, c'est marrant, il y a des gens qui nous disent, qui nous envoient, c'est cool, en vrai la musique africaine, je kiffe. Ah ben, voilà. C'est fait pour ça en fait le projet. Je crois que le projet est fait pour ça, il y en a qui ne connaissent pas la musique africaine. J'ai dit, il y a beaucoup d'Africains ici, qui sont nés ici, qui ne connaissent pas cette musique. Et nous, c'est notre devoir, c'est notre rôle de pouvoir faire découvrir cette musique aux gens. Et c'est des, en plus, c'est des vieilles chansons hein, qui ont marqué l'Afrique. On a écouté une chanson de 1957 hier, de Patapata de Patapata, Pata, ouais. Une chanson qui date de 58 ans. Ah, il faut... Ça c'est quoi, années 80 plutôt, le Emma? Emma, c'est oui, c'est des années 80. C'est années 80, ouais. Années 80, ouais. Voilà. De Touré Kounda. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de groupes, beaucoup d'artistes. Mmh. Allez cliquer un petit peu, parce que maintenant c'est vrai que c'est assez simple pour avoir la musique, pour écouter. Mmh. Même parfois un peu trop simple. C'est trop simple. Il y a de la chance maintenant de faire ça facilement. Donc n'hésitez pas, on vous met des morceaux, de découvrir aussi les versions originales. Vous avez beaucoup réécouté d'ailleurs les versions originales avant de se réattaquer à cet album, de s'attaquer On a grandi avec la version originale. C'est quelque chose de... La plus jeune chanson de cette compile est de 2002. C'est Manger classique de Tikenja. Tikenja Fakoli, ouais. Voilà, c'est la plus jeune chanson. C'est parce qu'on avait voulu faire un projet générationnel qui partait de 1950 jusqu'aux années 90. Et bon, on a mis Tikenja, qui est quelqu'un de notre génération. Et puis bon, voilà, on le trouve tout dedans. Voilà, sinon, ça, c'est des morceaux que vous avez donc beaucoup écoutés. Mmh. Beaucoup, on a eu des problèmes avec les morceaux en lingala, parce que c'est une des plus belles langues d'Afrique, mais la plus difficile à chanter. C'était aussi un défi. On a essayé et puis bon, pour nous ça a été très bien. Il y a une chanson dedans qu'on appelle Soula. Je crois que peut-être qu'on aura la chance de l'écouter avant la fin de l'émission. C'est une chanson qui a fait marrer toute l'Afrique. Qui parlait des problèmes d'un ivrogne qui racontait des choses. Mais quand on écoute la chanson, elle est belle et je crois que c'est une chanson qui est adorée par tous ceux qui nous croisent en ville, nous disent hey, le meilleur morceau, c'est Soula. Soula. Tiens, dites-nous aussi, allez-y, 41759. Avec le hashtag aussi, le hashtag c'est Magic System sur Skyrock pour nous dire quels sont les morceaux favoris de Radio Africa. Vous les balancez, on va mettre un petit son de Maître Gims, Laissez passer aussi sur Skyrock et puis on trouve le Magic System après. Maître Gims, Laissez passer, l'album arrivera le 28 août. Mon cœur avait raison, Maître Gims. Voilà, il fait aussi partie de la nouvelle génération plutôt dans le rap. Ouais. Quelqu'un que vous écoutez aussi. C'est une fierté, chez nous en Afrique généralement on dit c'est un petit frère parce que c'est quelqu'un qui est venu aussi nous soutenir à notre festival à Abidjan à l'époque avec la section d'assaut, voilà. Et c'est quelqu'un qui a fait du chemin, c'est vrai, même il a une carrière solo réussie. Et puis bon voilà, il compte maintenant dans la musique française, je dirais même pas dans le rap, mais dans le quota du show. Ça va plus loin d'ailleurs, ça va plus loin. Voilà, il va plus loin que ça, c'est quelqu'un qui a des possibilités vocales inexplicables, c'est quelqu'un qui sait chanter surtout. Bon voilà, j'espère que ça va continuer. Et bon, croisez les doigts pour Gims avec un nouvel album qui arrivera le 28 août. Là, il y a Radio Africa dans les bacs. Qu'est-ce qu'on mettra, messieurs, dans un instant? Mais dans un instant, puisque notre invité, c'est Soprano, qui... Depuis Marseille, on va mettre Chéri Coco. Eh ben, mettre Chéri Coco, mais alors attends, je crois que nous l'avons tout de suite, monsieur Sopra. Allô, allô, Soprano. Allô. Ouais. Comment ça va, Sopra? Comment ça va, tout le monde? Ça va, tranquillement. Bon, cool, alors. Voilà. On t'a appelé ce soir pour faire la chronique cinéma de Planète Rap. C'est une nouvelle chronique qu'on lance. Et on sait que tu as été voir Les Mignons aujourd'hui au cinéma. Ah, c'est ça les réseaux sociaux, Sopra, hein? Eh oui. Alors là, on était toute la famille. Il manquait personne. Et c'est la première fois pour ma dernière d'aller au cinéma. Alors je t'explique. 5 minutes, c'était magnifique. On était là, on regardait, on rigolait sur les petits et tout. Après, ma fille, elle a commencé à être, elle, le mini mignon. Elle a retourné le cinéma. Je courais derrière tout le long, donc je n'ai pas vu le film. Ah, donc t'as pas vu le film, en fait. J'ai fait que courir entre les trucs et dire arrête, me fais pas remarquer. En plus, j'ai une casquette pour qu'on me remarque pas. Et t'as fini devant l'écran, en fait. En train de j'ai fini devant l'écran. J'étais presque à faire des photos. Tu imagines le truc? Ah, ouais, d'accord. Donc, séance ciné, t'as rien vu du film, en fait, Sopra. Voilà, j'ai vu des petites parties, mais vite fait. Bon, tout va bien, voilà. T'es à Marseille? Ouais, on est à la maison. Un peu de repos aussi, parce que toi aussi, tu continues d'aller les festivals, t'es partout en fait, Sopra, cet été. Alors, je t'explique. Comment ça s'appelle? Tu m'as dit que tu voulais venir à Vienne. Mais cette semaine, on est à Vienne, là, je sais plus si c'est jeudi ou vendredi. C'est ouais, c'est Vienne, ça va être fabuleux. C'est le théâtre antique, l'endroit est merveilleux, ouais, franchement. Ça. Ah, voilà, on est là jeudi, on est aux Vieilles Charrues. Ah oui, les Vieilles Charrues. Les Charrues, ça va être chaud. On est à Carcassonne, Nîmes là cette semaine. On a encore Joël-les-Pins la semaine d'après. En fait, toutes les semaines là, on a quatre festivals. Et bah, pour une fois, tu as battu les Magic System qui d'habitude eux sont toujours en tournée. C'est toi, ça. Non, c'est mais je les crois. On était ensemble la semaine dernière. C'est vrai. On était en Algérie ensemble. On se croise tous les festivals là que je suis en train de faire. Je suis avec eux. Moi, j'ai envie de te donner un conseil. C'est-à-dire, si tu veux faire un clip, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce qu'avec le Ramadan, j'ai vu ta nouvelle forme que tu as là. Franchement, tu as une forme mannequin. C'est ça qui est la vérité, Sopra. C'est ça qui est la vérité. Hein? Eh non. Moi, franchement, je t'ai confondu. Je t'ai confondu à Stromae la dernière fois. C'est vrai que le Ramadan m'a affûté. M'a affûté quelques parties de mon corps, mais pas tout, parce que j'ai encore un corps orangina. Hein, en même temps, Sopra, on l'a jamais connu. Version Notorious B.I.G., quoi. Mais tu sais pas, toi. Ma femme, elle m'appelle John Coffey. Attends, tranquille, les gars. Sopra, t'as eu le temps d'écouter un peu Radio Africa? J'ai écouté que trois morceaux encore, j'ai pas eu le temps, j'ai écouté suite. Mais moi, comment ça s'appelle? Quand on m'a dit qu'ils faisaient l'album des reprises, j'ai dit putain, franchement ça déchire parce que eux reprendre des morceaux africains connus, je trouve que c'est une superbe idée parce qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent, qui ont grandi avec cette musique. Et Magic System fait partie maintenant du patrimoine musical mondial. Donc si c'est eux qui reprenaient ces chansons-là, c'est magnifique. Merci. Et c'est vrai que c'est un bel album. Et puis ça permet aussi de se replonger, on le disait depuis début de semaine, sur des morceaux. Toi, t'as des souvenirs de morceaux africains en particulier, Sopra? Qui t'ont marqué justement plus jeune? Mais oui, mais il y en a beaucoup. Il y a tout ce qui est Alpha Blondy. Alpha Blondy nous a marqué. Il nous a traumatisé pendant tout ton vie. Tous mes tontons, ils écoutaient que ça et Bob Marley. Blondy. Tu vois, c'était nous, on a grandi avec ça, donc bien sûr on connaît beaucoup, on connaît bien la musique africaine. Bon, après, nous les Comoriens, on est beaucoup dans la musique traditionnelle aussi, donc des fois on pouvait entendre des remixes d'Alpha Blondy sur des morceaux comoriens ou T'as pas entendu encore des reprises comoriennes du Magic System dernièrement? Je crois que le premier Gaoul a été remixé, sûr et certain. Ouais, ça a dû être remixé. Et c'est obligé, et même Chéri Coco, c'est obligatoire, vu qu'il y a un Comorien sur la chanson. Bon, on l'écoutera dans un instant, Chéri Coco. Merci d'avoir été, en tout cas, voulez dire un petit dernier mot à Sopra. Est-ce qu'il y aura une prochaine collaboration d'ailleurs avec Sopra? Parce que là, on va réécouter Chéri Coco. Avec Sopra, ça peut s'improviser à tout moment. On est dans le même label. C'est l'artiste le plus proche de Magic System. Et puis, il y a un feeling qui passe entre nous. Nous, on l'a invité dans cette émission, pas seulement parce qu'il est ami de Magic System, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a aussi une vision, qui a le sens du partage, musicalement parlant, et qui connaît aussi la musique africaine, parce qu'il avait fait des choses avec Tiken Diafa Kuli et tout. Donc, c'était dans la même vision. Et on a voulu l'inviter ce soir. On voulait inviter tous ceux qui ont en tête ce projet-là, de pouvoir montrer les vraies valeurs de la musique africaine. Donc merci à toi et puis on espère. Merci à vous. Merci beaucoup. On se verra. J'espère que tu as coupé le jeûne. Hein. Tu as coupé le ramadan. C'est pas encore. Non, mais nous à Marseille c'est à 21h15. Vous, c'est à quelle heure à Paris? Nous, c'est plus 10h. Moi, c'est quelle heure? Moi, attends, je demande à mon consultant. Excuse-moi, je demande à mon consultant spécial ramadan. Consultant ramadan. Consultant ramadan, Momo, à quelle heure aujourd'hui? À peu près 21h50. À peu près sûr. Waouh. À peu près 21h50. Donc vous guettez, hop. Vous alors une pensée, parce que je sais qu'en Belgique et même vers Dunkerque, c'est vers 22h20. Mmh. Une grande pensée à vous. Qu'ils prennent le train pour venir à Paris, Sopra. Non, ils vont gagner 30 minutes dessus. Là. Ah ouais, si, là ils en gagnent, ça c'est sûr. On pense à vous. Merci à toi, bonne fin de ramadan aussi, Sopra, et bonne ça tournée. Va. Merci à toi. À très vite, hein, on se voit bientôt les frères. On se voit bientôt. On se voit bientôt. Et Fredo, je t'attends, viens. Hein. Et si je peux descendre, c'est quand, jeudi ou vendredi? Je crois que c'est jeudi, que je dise pas de bêtises, mais viens. Le problème, c'est que je suis avec Magic System, donc il va falloir se partager. Mais Sopra, je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu peux convaincre Fred de venir à Numambo? Parce que quand on parle, il passe en blague. Ouais, est-ce que tu peux convaincre Fred? Mais t'as pas besoin de me convaincre, je suis déjà convaincu. Hein. Moi, je suis prêt à le faire au mois d'avril prochain avec grand plaisir. Viens à Numambo, viens au festival. Je te jure, le fumeur, c'est quelque chose de très, très, très lourd. Très, très, très lourd. Je t'explique. Il y avait les périodes, les malheureux événements avec la guerre et tout. Moi, j'étais venu l'année où, justement, tout est arrêté. Donc, ça veut dire que c'était encore un peu tendu. Eh bien, quand je suis arrivé, j'ai senti la paix grâce à ce festival. Les gens qui sont venus faire la fête, ils sont tous décompressés. Et ça a ramené un côté... comment t'expliquer? Il faut le vivre pour le comprendre. Putain. Eh bien, l'an prochain, mois d'avril prochain. Voilà. L'an prochain, on sera à nos membres. J'ai des ambassadeurs. J'ai eu Soufa hier, j'ai eu Sopra aujourd'hui. J'aurai Moko demain. On va te convaincre. Il va venir. Mais j'ai pas besoin de me convaincre, je te jure. Je pars tout de suite. Ok. Mais viens, il faut que tu viennes. Même là, viens, tu viens. Tu as raté, là. L'année dernière, on était en Suisse. Arrête de me tenter. Je vais faire le tour du monde, avec là. C'est parti. Avec Kendrick Lamar au concert, je te le dis, c'était quelque chose de fou. Ne rate pas les concerts de Magic System et de Sopra. Et voilà. Moi, à la limite, Kendrick, pas grave, mais je viendrai te voir Sopra. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Vite. Allez, merci Sopra. Ciao. Allez, à bientôt. Et à bientôt pour une prochaine chronique ciné. Ciao Sopra, merci, c'était sympa de t'avoir. On revient dans un instant, bougez pas, on mettra Chéri Coco juste après. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Magic System pendant une heure complète ce soir. Planète Rap Magic System. Scalpel. S'il te plaît. Hey, hey. Oh. Camarade. Ambiance sentimentale. Yes, sir. Avec DJ Scalp. Magic System. Soprano. swinguer, eh, eh, on va danser. On va swinguer. On va danser, eh, eh, on va swinguer. C'est avec le pied droit. Hein. On va swinguer, eh, eh, on à va gauche. Danser. Swinguer. On va swinguer. Danser, eh, eh, on va swinguer. La vie est belle comme ça. On va swinguer, eh, eh, on va danser. Tu t'as dit quoi? Ah, je suis venu chez vous, magnifique. Chez nous, on dit c'est ça qui est la vérité. Et chez vous? Chez nous, on dit Zakwe. Ah ouais, donc c'est toi qui as raison. À l'instant, Magic System et Sopra qu'on avait en ligne, Sopra qu'on salue une fois de plus, qui était en ligne avec nous il y a quelques minutes. Ouais. Pour Radio Africa, le nouvel album, le nouveau projet du Magic System avec nous cette semaine. Dernier Planète Rap de la saison avec le Magic System entre 20h et 21h. Et on va accueillir aussi... Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Ah, il y en a une qui est énervée sur le portable. C'est ça le truc. Allô Tatalia, comment ça va Boissy? Allô, ça va Fred? Ça va en pleine forme? Ouais, ça va, tranquille, on est là. Je te présente le Magic System avec nous. Oh, Magic System, c'est la famille. Ouais, comment tu vas? Non, moi-même, je suis comorien, ce panneau, il est comorien. Ah, okay. Tout le monde est comorien, tout le monde est ivoirien, tout le monde est africain. Voilà, ça sera. Ah, bah, c'est le berceau de l'humanité. Voilà, exact. Bon, Tatalia, tu es prêt à rapper? Ouais, moi je suis prêt comme d'hab. On y va, session freestyle par téléphone, c'est parti. Ok. Tatalia, voici. Et toute la France, hein. Dans le vaisseau, c'est sauter le caisson. Le son est trop sale, non, c'est pas du caisson. Y'a des lobes et des fans, des armes de malade, on fait de la malade, c'est pour ramasser des femmes. Petit con s'invite sur le projet, tire à répétition, c'est les affaires qu'on gère dans le sac du piton. Ma petite hollandaise, les familles des pitons, des petites à long terme. Tout le monde sait qui est le meilleur dans la zone. Je ramène des chambres de malades à la zone. Qui plus quand des bruits dont 43 résonne, qui fait partie de ceux qu'on appelle les vrais hommes. J'attends rien des autres, je cherche moi-même. Y'a mon heure qui sonne, que je pardonne ma mère. La tête de ma chiche, faut que l'on est massif. Pour une somme impensable, je pars à des massifs. Je suis sûr de moi, je leur foutre la haine. Personne misé sur moi, mais je suis toujours le même. Je suis bénéf en masse, des armes automatiques. La recette à dur, c'est divers dramatique. Ouais, Tatalia. Ok, voici Tatalia, à l'instant t'été. Le 9-4 en freestyle, merci à toi Tatalia. Aïe, aïe, aïe. Merci Tatalia. On peut te retrouver sur le net quelque part, vas-y hein. Ouais, Tatalia officiel sur Facebook, sur YouTube, vous tapez Tatalia, vous allez trouver. Sur Twitter, Tatalia Kadaf. Et voilà, dédicace à tout Boissy, à tout Paris. Magic System, c'est la famille, Fred de Staille. Bonsoir. Merci. Eh ben, merci à toi Tatalia. Merci Tatalia. Passe une bonne soirée. T'es en vacances ou pas Tatalia en ce moment? T'es quoi? T'es en vacances? Ouais, je suis en vacances en ce moment là. Et là, je vais partir dans juste après le Ramadan là. Eh bah, ben profite bien, tu vas où? Je sais pas, on va voir un peu, peut-être l'Espagne, on sait pas. Ah bah voilà, direction l'Espagne. Et bah profite bien, merci à toi Tatalia. Merci à vous aussi. Ciao, passe une bonne soirée. Magic System, est-ce qu'on est prêt pour du live maintenant? Ben toujours. En même temps, comme Tatalia. J'ai l'impression que vous êtes toujours prêts les gars. Voilà, donc, ouais, toujours. On commence par quoi? Par Magic in the Air, par Sweet Sweet Fanta Diallo, qu'est-ce qu'on... Ouais, on va commencer par Sweet Fanta Diallo. C'est prêt? On y va? On coup d'envoi, okay, c'est extrait de Radio Africa celui-ci. Yeah! Magic System! Toujours! Hommage à Alpha Blondie! Ouais, ouais, ouais, ouais! Sweet, sweet! Fanta Diallo! Sweet, sweet! Ouh, ouh! Sweet, sweet! Fanta Diallo! Ouh, ouh! Fanta Diallo! Sweet, sweet! Fanta Diallo! Ouh, ouh! Fanta Diallo! Elle habitait sur un arc-en-ciel. Suga. Elle touchait tous les rayons du soleil. Elle brillait comme un bon morceau de miel. Elle piquait comme le poivre et comme le sal. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Ouh, ouh, Fanta Diallo. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Ouh, ouh, Fanta Diallo. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Ouh, ouh, Fanta Diallo. Fanta Diallo. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Coucou, Fanta Diallo. Fanta, Fanta, où es-tu allé? T'es parti. Suna! Fanta, Fanta, tu vas pas danser dans ta nuit. Fanta, Fanta, tu vas pas marcher à l'envers. T'as besoin des lumières. Fanta Diallo, ouh ouh, Fanta Diallo, sweet sweet, Fanta Diallo, ouh ouh, Fanta Diallo, sweet sweet, Fanta Diallo, ouh ouh, Fanta Diallo, sweet sweet, Fanta Diallo, ouh ouh, Fanta Diallo. Ciel. C'est l'été qui l'a emporté entre ses ailes. Mais un jour elle s'est envolée en plein ciel. Je sais où elle est. Suna. Tout là-bas couché sans soleil. Là-bas. Elle reste allongée à Dieu soleil. Là-bas. Elle reste à pleurer sans soleil. Là-bas. Soleil. Toujours Magic System. C'est ça qui est la vérité. La planète rap. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Ouh, ouh, Fanta Diallo. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Ouh, ouh, Fanta Diallo. Yes, à l'instant en live, yeah. Le Magic System. Akubayo, yo. Sada. À l'instant, Sweet Fanta Diallo, c'est un morceau hein, que vous retrouvez, un morceau à l'origine d'Alpha Blondy. Vous connaissez un peu l'histoire aussi de. Il vous l'a raconté, Alpha Blondy, comment il est né ce morceau oui. À l'origine. Oui, il rendait hommage à quelqu'un qu'il a aimé, à une femme qu'il a aimée dans sa vie. Et qui est parti trop tôt. Et c'est à elle qui rendait hommage. Qui rend hommage. On aurait pu, voilà. Donc c'est un double hommage. Non seulement à Alpha Blondy et à la femme qu'il aimait. Et la reprise à l'instant. Oui, la reprise à l'instant. Qu'est-ce à l'instant, c'est pas. C'est le mot femme qui a. Non. Qui a provoqué un truc comme ça, là. Non, pas du tout. Non, c'est le double hommage, au fait. Oui, c'est ça. Pour rendre hommage à Alpha. Ouais. Et à celle à qui il rendait hommage. Qui rend voilà. Voilà. Sweet Fanta Diallo à l'instant, extrait de l'album de Magic System. On repart maintenant sur un de vos gros classiques. Celui-ci, hein, pareil, maintenant vous êtes obligé de jouer en concert. Ouais. Magic in the Air. Ah, ouais. Ça. On ne sait pas, mais c'est fort. Allez, c'est parti, Magic System. Feel the magic in the air. Aïe, aïe, aïe, levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Aïe, aïe, aïe, aïe. Okay, tous ceux qui sont à la maison chantent avec nous. Tout le monde. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. pour les bobos. Oh, oh, oh. Nous on vient dans nos mambo. Bonne langue ici, tu as le niveau. Oh, oh, oh. Rejoins-nous pour t'enjailler. Bonne. On t'invite dans la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite dans la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, oh, oh. Système de planète rap, avec Fred. Est-ce que ça va? Ça va pas. On vient du ghetto pour aller plus haut avec les magiciens. C'est le crédit go go go. On vient du ghetto pour aller plus haut avec les magiciens. Oh, oh. Magic System, Magic in the Air à l'instant. C'est vrai que c'est assez fou, on regarde tout le monde hein, dans la radio. Moi je vois les gens et tout. Et moi le premier aussi, dès qu'on entend un morceau de Magic System, on veut le chanter quoi. C'est ça, non, mais c'est exact. Ça, ouais. Mais après on peut chanter c'est n'importe comment, ce qui est mon cas. L'essentiel c'est de bouger. Voilà, c'est ça. Ouais. Et voilà, Magic in the Air à l'instant avec le Magic System sur Skyrock. Juste avant de se quitter et avant de faire tourner la roulette, peut-être qu'on n'est pas promis Soula. Ah ouais, Soula. Mais on comme va morceau. Terminer avec un jaillet. Ah. Demain, il faut que demain on met Soula. Avec, voilà. Donc là, on met en jaillet. Là, on va mettre un jaillet et puis demain, on revient pour Soula. Voilà, on met en jaillet. C'est extrait de Radio Africa du Magic System avec nous entre 20 et 21. Et puis juste après, on fera tourner la roulette. C'est parti. On a tous un jaillet, on a tous un jaillet. On va bien s'en jaillet. Le Magic System est en jaillet à l'instant sur Skyrock entre 20 et 21. Tiens, c'est marrant, tout à l'heure on parlait en début d'émission de Premier Gaou, le titre qui a lancé Magic System, ouais, et qui est en fait qu'une maquette. Oui. Quand vous écoutez maintenant, quand vous voyez un petit peu le parcours, vous avez un souvenir de Enjaillé, l'enregistrement d'Enjaillé, c'est plus du tout les mêmes conditions. C'est pas les mêmes conditions, c'est comme on appelle la nuit et le jour. C'est pas le même parcours. C'est même pas le même budget. Et le budget d'Enjaillé, c'est lui fait tout l'album. Il fait tout l'album de Magic System, le premier album de Magic System. Avec un morceau. Avec un morceau, tu produis le premier album, ça, ouais, avec la promo, le clip, tout compris. Quoi. Tout compris dedans. Voilà. En fait. Eh ouais, c'est bien, l'histoire continue en tout cas pour le Magic System. Et l'album s'appelle Radio Africa. Allez vous le procurer pour l'été, même pour après d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'on a tendance aussi à chaque fois à dire Magic System. C'est vrai, c'est l'été, c'est les vacances. Mais il n'y a pas que ça, il y a autre chose aussi. C'est vrai qu'on vient on vient du soleil et tout, et bien sûr. On voit Magic System, on pense Afrique, on pense ambiance. Mais Magic System, ça s'écoute à tout moment, c'est intemporel. Le groupe d'été, ça vient un été et ça disparaît. Après ouais, ça reste pas 15 ans quoi. Voilà. Et là, en l'occurrence, 20 ans. Voilà. Bientôt. Et là, on va faire 20 ans bientôt. Bientôt les 20 ans. Voilà. Non, et puis en dehors de ça, voilà, c'est aussi toute une belle histoire pour le Magic System. On le disait, il y a aussi un projet humanitaire derrière le Magic System. Exactement. C'est ce que vous faites en construisant des écoles au pays, notamment. C'est un engagement, oui. C'est un engagement. Et puis plein d'autres actions. Hein. Je sais que vous êtes très, très. Dès que vous pouvez, en tout cas, très mobilisé sur différentes causes, et notamment ce qui concerne l'Afrique, évidemment, et ce lien entre la France et l'Afrique. On va revenir, même pas, d'ailleurs, demain, on va revenir surtout. Entre 20 et 21, mais là juste avant on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre Black M et Big Freoli aux arènes de Bayonne, plus tes 3 places de ciné, les profs 2. Salut Pauline. Hello. Du côté d'Amiens, ça va bien Pauline? Ça va et vous? Je te présente le Magic System. Coucou. Salut. Salut. Ça va, tu es enjaillé à Amiens Pauline? Ah bah attends, c'est la ville là, tu vas voir le feu d'artifice, il a été tiré à Amiens ou pas encore? Oui, oui, il a été tiré hier, ouais. Ah, c'était hier soir, toi, Capoline. Tu fais quoi, toi? T'es en vacances? Ouais, vacances. Vacances, avec le son de Skyrock, Magic System et la roulette qui tourne. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Tu pars un petit peu ou tu restes à Amiens, Pauline? Je pars au Maroc dans 7 jours. Oh, bah ça va. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, Pauline, c'est... Alors le problème c'est que j'ai un souci Pauline. Si tu pars dans une semaine, comment tu vas faire le 23 et 24 juillet? Tu es invité aux arènes de Bayonne pour voir Big Flo et Oli le samedi et Black M le lendemain. Je vais en faire profiter les copines. Ouais, je pense que tu trouveras toujours quelqu'un pour y aller, ça c'est sûr Pauline. Et plus des places, tiens, pour aller voir les profs 2, il y a 3 places en tout, c'est ce qu'on t'envoie Pauline. Bah merci beaucoup. Je te fais un bisou. Bisous. Passe une bonne soirée et puis bonnes vacances. Et puis n'oublie pas de refiler les places à tes copines. 23, 24, 24 juillet aux arènes de Bayonne. Merci Magic System. Merci beaucoup. Merci. Avant de partir, je vais m'adresser aussi à tous les auditeurs d'Afrique. Mmh. Parce que je sais qu'ils sont des millions à nous écouter. Ils sont tous sur les nets en train de nous suivre. D'autres même m'envoient des messages comme Amadou Yatasaï qui m'envoie un message depuis Bamako pour dire que lui, il suit sur une chaîne du Canal Plus. Skyrock, c'est merveilleux. Donc, On salue toi, on salue toute l'Afrique. Voilà. Je sais, on est repris par le réseau Canal. Par le réseau Canal. Pour ceux qui n'ont pas, comment on appelle, forcément le net ou l'ordi à la maison, ils peuvent suivre sur Canal. Il reste encore demain, mercredi, jeudi et vendredi. Donc, on est ensemble et on est content de savoir que tout un continent nous écoute et nous suit. On embrasse tout le monde, on embrasse Abidjan, on embrasse toute l'Afrique. On est ensemble. Bamako, Mali, Bamako, Dakar. Mais si on lance, on va oublier du monde. Voilà. Donc on salue tout le monde sans oublier le Canada et les États-Unis qui nous suivent aussi. Voilà. Et merci au Magic System. Rencard demain, un petit peu avant 20h. Demain, on vient avec Soula. Tout le monde m'appelle Soula, mais moi je ne suis pas Soula. Rendez-vous demain, merci Magic System. Et là, on retrouve D-Fool. C'est parti. Ciao. La radio qui t'a fait découvrir Black M, c'est Skyrock.